L'application de la découverte. Un jour, en revenant de l'assistance à une petite chapelle d'un pays, le forgeron du village m'arrêta. Mon père, mon oncle Jean, de Forqueta, vous savez, a été frappé par un cancer à la prostate et en ce moment, il est hospitalisé à Marc de Souza. Son cas, affirme le médecin, n'a pas de solution. C'est une question de jours, nous a-t-il déclaré. Sur demande de la famille de mon oncle, je vous prie de lui apporter les sacrements. Faites-le le plus tôt possible, parce que son cas est vraiment un cas grave. Avant tout, je vous remercie pour m'avoir prévenu. Certes, j'irai bien lui apporter l'huile sainte. C'est très curieux. Je me souviens parfaitement de cet homme, il me semble le voir encore là-bas, participant à la messe dans sa chapelle, le mois passé, assis au premier rang, à gauche. Je suis très étonné de cette nouvelle que tu viens de me donner. Il en est ainsi, mon père. Vous savez bien que cette maladie, lorsqu'elle se manifeste, est presque toujours déjà assez développée. Ton oncle, est-il conscient? D'après toi, puis-je renvoyer ma visite à demain? Sans aucun doute. Il est très faible à cause de sa maladie, mais il va résister jusqu'à demain, soyez tranquille. Le médecin dit qu'il ne pourra pas toutefois survivre jusqu'à la semaine prochaine. Je reviens justement de l'hôpital, et je me suis rendu compte que la situation est désespérée. Demain je serai de service à la messe d'assistance dans la chapelle de sa communauté. Immédiatement après la messe, j'irai à elle, hôpital pour lui apporter le réconfort des sacrements de l'église. Ça va? Parfait. Je vous en remercie à l'avance. Mais commençons à nous préparer pour les prochaines funérailles, n'est-ce pas? Dieu seul sait quand ça ira se passer. Certes, mais c'est un cas désespéré que celui de mon oncle. N'importe quelle autre tentative est inutile. Pour lui, il n'y a pas de remède. Je suis d'accord avec toi que son cas est grave. Néanmoins, pour Dieu rien n'est impossible. C'est clair. Bon, au revoir et merci beaucoup. Le jour suivant, après l'assistance à la chapelle des navigateurs, je suis allé à l'hôpital. Madame Gemma, la femme du malade, stressée et préoccupée pour la maladie de son mari, me prend sous son bras en me disant, « Mon père, je vous remercie avant tout pour avoir répondu à notre appel. Deuxièmement, je vous prie de dire à Jean que lui, il est frappé par un cancer. Je voudrais qu'il fasse une bonne confession, afin de bien se préparer à sa mort déjà proche. Je vous demande cela parce que je désire, que mon mari aille au paradis, après sa mort. Laissez-moi faire, madame. » Même dans ces cas difficiles, l'expérience m'a appris à traiter le malade d'une manière convenable. Essayez d'être tranquille. Dans la chambre, j'ai trouvé le malade dans un état de faiblesse extrême. Sa voix n'était qu'un fil de voix. Même s'il ne m'a demandé aucune explication sur sa condition, il m'a déclaré tout de suite qu'il voulait se confesser, en faisant justement une confession générale, puisque ce serait, pensait-il, la dernière de sa vie. Il a bien souligné qu'il désirait une confession bien faite. Quelle parfaite disposition d'âme, me suis-je exclamé en moi-même. Il est gratifiant pour un prêtre de trouver un pénitent dans un tel état d'âme. Il peut se passer de motivation à la pénitence quand celle-ci existe déjà. Aucun besoin d'argumenter quand le pécheur se démontre déjà repenti. C'est beau, c'est facile, heureusement. J'ai écouté la confession d'une personne repentie chez laquelle, si d'une part il y avait la conscience du péché, d'autre part se manifestait une confiance illimitée dans la miséricorde de Dieu. Je lui ai donné l'absolution, la bénédiction apostolique, l'extrême onction, le viatique. Bref, dans un mot, j'ai eu recours à ce que l'Église établit au mieux dans des cas extrêmes, tels que celui de Monsieur Jean Mariani. Je n'ai pas pensé qu'il fût opportun de renseigner le patient sur ses conditions de santé si délicates, ainsi que sa femme l'avait demandé, car, à mon avis, sa confession s'était développée quand même de la meilleure façon. En plus, ce n'était pas moi le médecin qui soignait le malade. C'est à ce point-là que j'ai pensé à la recette du mélange pouvant guérir du cancer, cette même recette que j'avais entendue oralement, dans la cour du provincialat. Et je continuais à me la répéter pour rafraîchir ma mémoire, un demi-kilo de miel, deux feuilles d'aloès, trois ou quatre cuillerées d'eau de vie. Dans mes souvenirs, elle me semblait fidèle à la formule originale. À l'entrée de l'hôpital, pendant que je saluais ma paroissienne, me remerciant pour le service religieux offert à son mari, il m'a semblé juste de la renseigner sur ce qui s'était passé. « Madame Gemma, votre mari est préparé. Qu'il arrive ce qu'il doit arriver. En tout cas, il a reçu tout ce qu'on peut désirer dans une situation aussi sérieuse que la sienne. Quant à la demande que vous m'avez faite, c'est-à-dire de le renseigner sur les conditions de sa santé, je ne lui en ai pas parlé. À mon avis, ce n'était pas à moi de l'informer sur le diagnostic des médecins, puisque dans cette matière, je ne m'y connais pas du tout. En plus je connais un traitement qui permet de guérir du cancer. Mais, mon père, quiconque est frappé par un cancer, doit mourir. Au moins, c'est ce qu'on voit. Je crois que vous voulez être gentil envers notre famille dans des circonstances aussi difficiles que celles que nous sommes en train de vivre. En tout cas, je vous remercie. Nous sommes réalistes, c'est nécessaire, même si c'est difficile. Cela ne change rien que de cacher la vérité. Inutilement j'ai cherché d'expliquer à Madame Gemma qu'il est possible de guérir du cancer. Elle a réagi, par contre, comme toutes les personnes frappées par ce problème et comme, du reste, je réagirais moi-même en me disant, avec tout l'argent qu'il y a dans le monde, comment une petite recette si naïve, sans façon, pourrait-elle accomplir ce miracle? Madame Jima est restée ferme dans sa conviction, et elle a continué à croire que son mari mourait. Et c'était tout. Un destin atroce mais aussi insurmontable qu'une montagne. Quand j'ai compris que c'était comme parler à un mur, j'ai décidé de passer à la pratique, en laissant de côté les théories et les mots. Il était nécessaire d'être réaliste, les pieds sur terre. Pour une heureuse coïncidence, Ruban, le fils de ce couple, de retour de chez le notaire Agostino Basso auprès duquel il s'est rendu, afin de régler la documentation concernant l'inventaire du patrimoine dans l'éventualité de la mort de son père, vient de me demander un passage jusqu'à l'entrée de son entreprise, moi, je l'ai contenté tout de suite. J'ai pensé, qui sait si je ne réussirai pas à convaincre le fils à appliquer le traitement à son père, étant donné que je n'ai obtenu aucun résultat avec sa mère. Pendant le voyage, je n'ai fait que chercher à convaincre le fils que c'était à sa portée que de guérir son père du cancer. Pour obtenir cela, il suffisait de faire ce que je lui aurais appris. Et je le lui ai expliqué, et puis répété et répété plusieurs fois. Arrivé à destination, je lui ai fait répéter la leçon. Lui, il l'avait apprise par cœur. En plus, il m'a garanti que sa sœur Jeanne qui, le lendemain, à l'hôpital, aurait remplacé sa mère désormais trop fatiguée, apporterait à son père le traitement. Satisfait pour la possibilité d'un bon résultat, je l'ai salué en lui souhaitant bon courage, et en le priant de bien appliquer la recette. J'ai parcouru la route qu'il me restait à faire pour gagner ma paroisse, ma conscience en paix, confiant que, s'ils avaient suivi mes instructions, ils auraient pu sauver la vie de ce paysan. J'ai repris mon activité de prêtre, tout seul dans des régions perdues. Jean Mariani, par conséquent, aurait dû passer en second plan, naturellement, par rapport à tous les événements qui m'occupaient constamment. Quand je pensais à lui, j'espérais que le traitement produirait les effets désirés. La semaine se passait comme toutes les autres. Un matin, 8 jours environ après que j'avais apporté l'extrême onction au malade, par hasard, j'ai rencontré Rejane devant la mairie. J'ai pensé, aussitôt, à la maladie de son père. Je me suis approché d'elle, tout de suite, désireux de savoir comment il se portait. Je voulais connaître les détails. « Bonjour, Rejane. Comment vas-tu? Et comment va ton père ?»« Bonjour, mon père. Moi, je vais bien. » Mais mon père va bientôt mourir. Les médecins l'ont fait sortir de l'hôpital, pour qu'il puisse mourir chez lui. Ah, cela signifie qu'il est à la maison? Oui, il est sorti depuis 3 jours, car il n'y a plus rien à faire. Et la jeune fille a dégluti avec peine en pensant au poids de son malheur, désarmée, impuissante face à la maladie de son père. Mais vous, lui avez-vous administré le mélange que je vous ai ordonné? Est-ce qu'il l'a dûment pris? Oui, mon père, on a fait comme vous l'avez recommandé à Ruban. C'est moi-même qui le lui ai apporté à l'hôpital. Papa a pris sa dose quotidienne, et il continue de la prendre. Mais il est si faible. Au lit, il ressemble à un arbre sec, pardonnez-moi la comparaison. Quelle maladie terrible. Elle a détruit mon père. Écoute, si vraiment il a suivi ce traitement, ainsi que tu viens de me dire, sois tranquille car tout ira bien. Le problème se présente quand les malades refusent de prendre ce médicament. Vous savez, mon père, il est arrivé quelque chose d'étrange, pourtant. Vous saviez que papa avait cette protubérance au bas de son ventre? Non, vous ne le savez pas. Non, je ne le sais pas du tout. Et, oui, une protubérance aussi grosse qu'une balle de tennis. Eh bien, voilà, cette protubérance a disparu. Ah, en ce cas-là je ne dois que me réjouir avec toi, ma chérie, car ton père est désormais hors de péril. Ton père a gagné sa lutte contre le cancer. Si ce n'était pas comme ça, pourquoi est-ce que cette protubérance se serait réduite? Par contre, elle aurait dû visiblement augmenter. En d'autres mots, le médicament a produit des effets positifs. Bravo. Ton père est en train de guérir, tu peux bien y croire. Après 2 semaines environ de convalescence, ton père reprendra son travail de groupe, comme il fait depuis tant d'années au moment de la récolte. Tu verras. En réalité, c'est cela qui s'est passé. Jean-Marian, tout doucement, a commencé à manger un peu plus. Après quelques jours il a quitté son lit. Il a commencé par faire quelques pas dans sa chambre. S'appuyant aux parois, il a réussi à gagner la cuisine. Vite, il est sorti dans la cour, voir ses poules. En marchant à travers la campagne, il a ramassé les premiers épis de riz qui allaient mûrir. Il a mangé les premiers agrumes de la saison. Il a sucé la canne à sucre avec la même fougue qu'il employait petit enfant. Mois après mois, non seulement il a participé à la récolte annuelle, mais vers la fin de l'automne-hiver, il a labouré la terre avec bœufs et la charrue, comme il l'avait toujours fait pour les semailles du printemps. Jean Mariani vit encore de nos jours, il a dépassé ses 80 années, il est né en 1913, et il garde toutes ses facultés. Il s'agit de l'une parmi les nombreuses personnes ayant réussi à vaincre le cancer, après avoir pris le médicament que nous allons illustrer dans ce livre. Quelqu'un pourra douter, mais c'est un fait que Jean Mariani est aujourd'hui encore vivant et, même s'il a été frappé par un cancer, il représente ainsi un témoignage indiscutable de la victoire de ce produit sur ce mal terrible. Ainsi que Jean Mariani, il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui ont réussi à vaincre le cancer, naturellement ayant chacun sa propre histoire qui mutandi, reste l'histoire du premier patient, dont le résultat positif m'a fait croire à l'efficacité de cette méthode dans la lutte contre le cancer. Même si tu habites dans un appartement, tu pourras planter l'aloès arborescent dans un pot, et la garder à l'exposition du soleil, à travers une fenêtre ou une véranda, peu de temps après, tu pourras commencer à jouir de tous les bienfaits contenus dans cette plante.